L'enquête menée depuis 1 an et demi par les policiers antiterroristes n'a pas mis en évidence l'existence de projets clairement établis. Mais c'est le cursus universitaire et le degré de réflexion élevé du principal suspect, un ingénieur de 32 ans, travaillant sous contrat pour un institut extérieur au CERN, qui laisse à penser que les intentions des deux frères islamistes n'étaient pas que des fantasmes. Les policiers ont ainsi pu établir qu'ils étaient en contact par l'intermédiaire d'Internet avec des personnes connues pour être des proches d'Al-Qaïda, qu'ils avaient ainsi renseignés sur des sites à frapper dans l'Hexagone. Quant au CERN, rien ne permet pour l'instant de le classer en tant que cible potentielle. Le principal suspect n'avait pas un poste stratégique. Il effectuait des analyses de données pour l'expérience du grand collisionneur. Lyon, Thierry Boinet, Radio Suisse Romande.